자, 좀 싫어. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien. Toiles et Sillons, comme d'habitude, à la radio, mais aussi sur Internet, sur toilesetsillons.fr. Vous retrouvez toutes les émissions à écouter en direct, en streaming, sur le site, à télécharger ou à podcaster toilesetsillons.fr. Il y a aussi la page Facebook de l'émission Toiles et Sillons. Pour tout savoir, pendant une heure, on va écouter des musiques de films, des chansons de films, et on va commencer en chanson. Je vous emmène en 1960, un film d'Henri-Georges Clouzot avec Brigitte Bardot, Paul Meurice et Charles Vanel. La vérité, la chanson du film Don Devas est interprétée par Xavier Mitchell, Isu Quinteto. Yo te juro. chanson extraite de la bande originale du film La Vérité d'Henri-Georges Clouzot, sortie en 1960. C'était la chanson Dondevas. Plus près de nous est sortie une nouvelle version de l'éternelle histoire de Robin des Bois. Cette fois-ci, c'est réalisé par Otto Bathurst avec Taron Egerton et Jamie Foxx. On va écouter une toute petite bande-annonce du film et puis après un extrait de la musique signée Joseph Trapanese, le morceau Money to the People. Un noble devenu un hors-la-loi. Ceci est l'histoire d'un voleur. Un hors-la-loi devenu un justicier. Il volait aux riches pour donner aux pauvres. Un justicier devenu une légende. Robin des Bois. Vous êtes un modèle pour le peuple. Taron Egerton, Jamie Foxx, Robin des Bois, produit par Leonardo DiCaprio. Bienvenue à la cour des grands. Actuellement au cinéma. tous les cinémas sont représentés dans Toiles et Sillons. La preuve, à l'instant, c'était un extrait de la musique de L'Ombre des Anges, un film de 1976 réalisé par Daniel Schmidt avec Ingrid Cavan et Rainer Werner Fassbinder. L'Ombre des Anges, musique de Peer Raben et David Ambar. On va maintenant revenir à quelque chose de plus proche de nous. Un film grand public, un film familial, une nouvelle adaptation de Sans famille d'Hector Malo. Là, ça s'appelle comme le dessin animé manga des années 80-90, Rémi sans famille, réalisé par Antoine Blossier. C'est avec Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen et Malôme Paquin, les aventures de ce jeune Rémi, un orphelin recueilli par Signor Vitalis. On va écouter la bande-annonce de Rémi sans famille et un extrait de la musique qui est signé Romaric Laurence. Moi aussi, j'avais peur de l'orage à ton âge. Tu as gardé ? Maman. Et pas plus ta mère que je suis ton père. Je ne m'étais jamais confié à personne sur mon histoire. On va où ? Tu le sais très bien. Je te conduis à l'orphelinat. Rémi ! Non ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Qu'a pu faire cet enfant pour qu'il s'attire les foudres de tout un village? Sauf votre respect, monsieur, c'est pas votre affaire. Je vous propose de louer cet enfant. Je m'appelle Rémi. Vitalis, monsieur Vitalis, artiste ambulant. Vous connaissez déjà Capi, le petit mécontent là, c'est un homme joli cœur. Approchez les enfants, car le spectacle que nous allons vous présenter est reconnu pour être le plus extraordinaire de France. Je t'ai loué à Barberin pour chanter. Devant des gens? En effet. Vous avez dit que j'y arriverais pas. Mais tu as le trac, c'est normal au début. Tu as un don, Rémi. Celui d'émouvoir ceux qui t'entendent. Mon maître ne m'avait pas menti. J'aimais chanter. Et je savais déjà que je ne cesserais jamais de le faire. J'ai peu d'occasion de voir ma fille rire autant. Mon cher Rémi, ma mère et moi semblons avoir retrouvé tes parents. En avant. Vous retrouvez mes parents, Capi? Emmenez-les. On peut pas. On n'y arrivera pas. Je te promets qu'on va y arriver. Allez, foi en moi. Thank you. On passe d'un genre cinématographique à l'autre dans Toiles et Sillons, puisque nous avons eu la comédie familiale française Rémy sans famille. À l'instant, c'était le film spectaculaire en 1968, Les Feux de l'Enfer, réalisé par Andrew McLaglen avec John Wayne, Catherine Ross et Vera Miles, sur ce pompier extraordinaire. La musique était signée de Leonard Rosenman. Il y a quelques semaines est sorti le dernier film de Pierre Salvadori, En liberté, avec Adèle Haenel, Pio Marmaille et Damien Bonnard. Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait, mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d'Antoine, injustement incarcéré par Santi pendant 8 longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leur vie à tous les deux. Avant d'écouter un extrait de la BO dans Liberté, le morceau Born to Rock de Camille Bazbaz, je vous propose d'écouter en interview Adèle Haenel et Pio Marmaille qui nous parlent dans Liberté et de Pierre Salvador. Moi, j'étais hyper contente d'avoir un flingue, en fait. Oh putain, un SIG. Un SIG, ouais. Un SIG, un SIG Sauer. Et je trouvais ça trop drôle, quoi. Il y a des trucs qui ont été enlevés au montage, notamment des courses-poursuites avec le flingue, et moi, j'étais complètement à fond, quoi. Des entrées, tu faisais... Des entrées, ouais. Tourbillonnantes. Oui, il y avait un côté un peu James Bond. Moi, c'est sûr que c'était le prolongement total de trucs auxquels on jouait quand on était enfant, quoi. Enfin, vraiment, c'est très ludique, quoi. Parce que c'est un truc qui est un peu présent au cinéma de Salvadori. C'est un peu ce truc très simple, hein, du jeu, tu vois, de la position d'interpréter un personnage dans un film, tu vois, de jouer quelque chose. Hyper chiant ce que je raconte, forcément, je m'en tire tout de suite. Mais c'est vrai que là, il y avait un truc, enfin, tu vois, même en termes de masque, de costume, de drôlerie, enfin, tu vois, on allait bosser, il y avait un immeuble qui pétait, on se battait dans la rue, enfin, c'est vrai que tous les jours, c'était assez singulier. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Et en même temps, il y a de l'écriture, quoi. C'est ça qui fond, est, ouais. Il y a de la langue, quoi. Mais parce que, tu sais, c'est hyper écrit, en fait, hein, le cinéma de Pierre, c'est que ce qui fait que c'est beaucoup de travail, mine de rien, c'est qu'il faut incarner le truc, enfin, il faut être vraiment c'est hyper à cheval sur le texte, quoi. Donc ça demande à la fois un abandon avec le maman, et en même temps, il faut quand même tenir le truc, quoi, parce que c'est, bon, c'est assez simple, ouais. Moi j'adore ça. Mais entre nous, parfois, on s'est quand même un peu fait rire. Enfin, moi, parfois, j'ai un peu... Ouais, 2-3 fois. 8 mois que moi, en fait. Il y a toujours plein de petites bascules qui sont destinées à genre 1 ou 2 spectateurs qui vont les voir, des voix à l'arrière-plan et tout ça. Mais en revanche, il n'est pas du tout pour un truc où que tout le monde entende, bien que là j'ai fait une blague, le côté punchline et tout ça, il n'y a pas trop dans le film, je trouve. Donc c'est plutôt, il y a de la retenue et en même temps, il faut que ce soit, c'est une forme d'agilité, en fait. Ouais, c'est vraiment ce que tu disais, un truc de bascule. Pour moi, le cinéma de Pierre, c'est un truc dans le jeu qui demande une capacité de bascule, tu vois, entre une sorte de fébrilité dans le jeu. Et en même temps, il faut être à la fois efficace et en même temps s'abandonner un peu à l'autre, quoi. Ouais. Ce qui est assez rare, quoi. Tout ça, évidemment, en 1 minute 30. Ouais. Tu vois, tac, tac, tac, tac. Moi, ce que je trouve absolument rare, singulier, quoi, c'est le parcours, si tu veux, sur 12 longs métrages, t'as quand même des directions, même entre, par exemple, entre dans la cour et celui-ci. C'est quand même, une espèce de gap, quand même, de proposition, même si au fond, ça raconte toujours la même chose. C'est un cinéma hyper humaniste, c'est que sur l'individu, le rapport à l'autre, c'est extrêmement simple. Mais à chaque fois, je trouve qu'il fait un effort de. Formel, et, ouais. Ouais, putain, il, c'est pas évident, quoi. Dans le cinéma de Pierre, mais c'est une ambition qu'il a dans la vie aussi, quoi. De pardonner aux gens le fait d'être contradictoire, en fait. C'est-à-dire, on va pas, le film à aucun moment, il cherche à dire, bon, le film, il est très affirmatif sur sur l'amour. C'est-à-dire, il va dire, sa vision de l'amour, c'est ça, des gens qui se disent des choses comme ça, etc. Et en même temps, je trouve que c'est assez humble, parce qu'il est toujours en train de se faucher lui-même en permettant des sorties par l'humour et tout ça, sorties du sérieux. Enfin, et tu sais, le truc dont, tu sais, c'est des personnages qui sont toujours en recherche d'une sorte de normalité. C'est assez génial. C'est des personnages qui sont toujours exposés à des trucs tellement exceptionnels et dingues. Et en même temps, la seule chose qu'ils demandent, c'est être normal. Ouais. Être normal, en fait. C'est ça qui est assez génial. Tu vois, tu joues des mecs qui te disent, moi, je veux juste un rapport à la vie normale. Ouais. Simple. Et en fait, tu fais péter des restaurants. Tu crèves les yeux des gens. Enfin, en général, les rôles proposés ne vont pas dans cette direction. Ça, c'est s'est vraiment passé comme ça? Pour la marque de la voiture, je suis pas tout à fait sûre, mais pour le reste, quasiment comme ça, ouais. Il était fort, papa. Mais vous êtes qui? Le comptable de la bijouterie Masséna. Votre diamant brut, c'est moi qui l'ai refilé à Jean. Oh putain! Jean, c'était un époux. Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable. Tu sais quoi le pire? Il a mis un innocent en prison. Je m'excuse, je cherche les cigarettes. Je reviens dans 5 minutes. Je rentre dans la rage, mon Thomas. Je vais te dans le là, t'es déjà de comprends pas ce que vous. T'en peux pas qu'il me voit, tu dois t'allumer. On l'a étudié des camels. Donnez-moi. Hey Yvonne, ça va? Il va bien le gars. Il a fait de la muscu, il a pris des champs corses. Louis, c'est notre faute tout ça. Il est perdu, ce type, il est complètement largué. Mais c'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça? On avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. Oh. Ça va, monsieur? Pardon, oui, t'as parfaitement, madame. C'est ça l'excuse? J'ai fait 8 ans de temps, je suis innocent, j'ai le droit de scalper des vigiles sur le trottoir. Non, mais tu te rends compte que t'as bouffé le règle de ce mec? Oh! Pardon, je suis désolé. Vous pensez que vous en avez pour longtemps parce que... Je suis désolée, je suis encore au travail. Je vais prendre une bouteille de cognac, s'il vous plaît. Avec du pain. Je vous demander de régler, quitter l'établissement. Je m'attendais à un peu plus de souplesse. Mais oui, non, enfin, il est un peu tard, pardonnez-moi, mais... Vous voulez pas laisser les cuisines ouvertes? Vous vous foutez de moi, là? 2 heures de retard, vous foutez le feu à la ville. Qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr que j'en ai pas marre de vous. Oh, je sais pas comment vous faites. Mais moi, j'en peux plus de moi-même. Pardon, je... De combat. Torpille prête! Attention pour lancer! Hunter Killer, par les producteurs de la saga Fast and Furious. Nous assistons au déploiement militaire russe le plus agressif de son histoire. Gérard Butler, Gary Oldman, Hunter Killer, plongé dans l'action. Actuellement au cinéma. Un film d'action que vous pouvez voir sur vos écrans, Hunter Killer de Donovan Marsh avec Gerard Butler et Gary Oldman. On a entendu la bande-annonce et la musique de Trevor Morris concernant En Liberté, dont on a entendu tout à l'heure une interview de Pio Marmaille et Adèle Haenel. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site toilesetsillons.fr sur la page de l'émission d'aujourd'hui. Encore un film sorti récemment. Une nouvelle version, là aussi tout à l'heure c'était la nouvelle version d'En Famille d'Hector Malo. Là c'est une nouvelle incarnation à l'écran de Vidocq, le célèbre bagnard policier créateur de la police judiciaire en France. Cette fois-ci, il s'appelle L'Empereur de Paris, il est interprété par Vincent Cassel et il est réalisé par Jean-François Richet. Un réalisateur que l'on connaît bien pour ses films comme Mérine, déjà avec Vincent Cassel, Assaut sur le Central 13 ou Bloodfather avec Mel Gibson. On va écouter la bande-annonce de L'Empereur de Paris et puis juste après un extrait de la musique signé Marco Beltrami et Marcus Trump. Et puis juste après, un nouveau film de science-fiction sur les écrans, Mortal Engines, un film américano-néo-zélandais réalisé par Christian Rivers. On va écouter la musique signée Tom Holkenborg. C'est qui lui ? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. Moi, je vous dis, je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça. Vous devez connaître leur manière, leurs habitudes, leur monde. J'oubliais que vous étiez l'un d'eux. Non, je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats, je peux vous les fournir. Et à quel prix ? Ma lettre de grâce. Ah bon ? Rien que ça ? Un voleur reste un voleur. Et les résultats restent des résultats. Tu sais, je me moque de savoir qui tu es. Toi peut-être. D'autres pas. Je peux rendre des services en obtenant une lettre de grâce, par exemple. J'aime profondément votre conception de la France, Vidocq. Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tout ça sera terminé ? J'ai fait de nous les empereurs de Paris. Il n'y aura jamais qu'un seul empereur. Servir votre pays ou bien rester dans l'ombre et la médiocrité. Il va vous falloir choisir, Vidocq. C'est Londres. Une heure, c'est tout ce qu'il a fallu pour conduire l'humanité au bord de l'extinction. Les peuples se sont relevés. Une nouvelle ère est née. Celle des cités prédatrices. La loi du plus rapide. Valentine. Ça, c'est pour ma mère. Arrêtez-la ! Tom ! Demande-lui pourquoi il a tué ma mère. Non ! Dommage que tu aies entendu ça. Esther Shaw, elle fera tout ce qu'elle peut pour me tuer. Sauf si vous la tuez avant. Retrouvez-les ! Venez ! Ça faisait longtemps que je te cherchais. Ta mère avait fait une découverte dangereuse. Elle avait peur de Valentine, de ce qu'il en ferait. L'homme qui contrôle ceci, contrôle le monde. Elle m'a dit que tu pouvais l'arrêter. Cette arme est capable d'anéantir la plus grande cité en un clin d'œil. Il faut la neutraliser. Rien ne peut lui résister. Nous devons arrêter Londres avant qu'elle nous détruise. Tu es sûr que tu veux y aller? Une fois entré, on ne pourra plus reculer. Il le faut. Thank you. Grâce à Jacques Loussier, nous étions en 1969 avec le film Une veuve en or, un film réalisé par Michel Audiard, avec entre autres la sublime à l'époque Michel Mercier et Daniel Secaldi, une comédie bien sûr. Et donc c'était Jacques Loussier qui avait fait la musique. Nous arrivons à la fin de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. On va se retrouver très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. En attendant, vous le savez, sur internet, toilesetsillons.fr, toutes les émissions sont à retrouver, à écouter en direct, en streaming sur le site, à télécharger pour les emmener partout avec vous, ou vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucune émission de Toiles et Sillons, toilesetsillons.fr donc, et aussi la page Facebook de l'émission Toiles et Sillons, vous cliquez sur j'aime et c'est un bonheur intégral. On va se quitter avec un des blockbusters du moment, Aquaman, le nouveau film réalisé par James Wan avec Jason Momoa et Amber Heard. C'est un nouveau super-héros qui est dans l'eau, donc on retrouve aussi Willem Dafoe dans ce Aquaman dont on va écouter la bande-annonce et la musique signée Pitbull et Rhea. C'est une chanson même, Ocean to Ocean. C'est une chanson revisitée, je pense que tout le monde va la reconnaître. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut. La légende dit qu'un beau jour, un nouveau roi viendra. Et qu'il se servira du pouvoir du Trident pour reconstruire l'Atlantide. C'est ici que Vulko m'a donné ma première leçon de natation. Je sais nager, j'ai pas besoin d'apprendre. Tu es bien loin du compte. Il te faut oublier tout l'enseignement du monde de la surface. Va au tréfonds de toi-même, à la découverte de tes instincts d'Atlante. Il a passé toute sa vie à s'entraîner. Pour devenir le meilleur. Mes parents ont fait de moi ce que je suis. Je suis le protecteur des profondeurs. En ce trident repose la force de l'Atlantide. En mauvaise main, il ne causerait que destruction. Mais aux mains du vrai héritier, il unirait terre et mer. L'heure est venue pour l'Atlantide de renaître à la gloire. Il faut l'arrêter à tout prix. Mais c'est quoi ton plan de génie pour ça? Tu dois trouver ceci. J'en ai déjà un, c'est bon. Il est loin de valoir celui-ci. La guerre va ravager la surface, que cela t'agrée ou non. Ta mère le savait que t'étais exceptionnel. Elle était convaincue que ce serait toi l'unificateur de nos deux mondes. L'Atlantide a toujours eu un roi. Aujourd'hui, il lui faut plus. Mais mieux qu'un roi, ce serait quoi? Un héros. They tried to get rid of me, but from ocean to ocean, they gon' have to deal with me. I've been overlooked, slept on, left for dead. Always against all odds like Pac said. I'm the living Great Gatsby, but these boys are watching quick and disappear like Banksy. From ocean to ocean, sea to sea, I'm something that you gotta see. Gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I'm blessed to raise down in Africa. I'm blessed to raise. Gonna take some time to do the things we never had. I practice what I preach, but I ain't gon' last. Still got love for these streets, 305 till I die. Still got love for these beats, that's why I spit this fire. You can catch me on the beach, especially on the island. Took over my city, now it's time for the world. I live it, they rap it, there's a difference, girl. Getting paid more than athletes, man, life is sweet. GM owner status, Papa, watch me. Gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. Quick on my feet. Now I say sleep is the cousin of death, so I don't sleep. These boys act like they hard, but we know that they sweet. They wouldn't bust a grape at a food fight, Papa, please. Went from rapping with them boys with a mouth full of gold to hanging with Slim Jr. down in Mexico. Take it with a grain of salt and a pound of gold. The game is to be sold and not told. Let's go. Gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Vive la cinéma!